L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des astronomes viennent de rendre public aujourd'hui des observations du télescope Hubble qui montrent des indices forts de la présence de jets de vapeur d'eau émanant de l'un des pôles du satellite Europe autour de Jupiter. Ces jets ont été estimés s'élever jusqu'à environ 200 km de la surface avant de retomber sur la surface glacée de Europe. Depuis le passage de la sonde Galileo à proximité d'Europe à la fin des années 90, on pense qu'il possède un vaste océan global qui contiendrait deux fois plus d'eau liquide que n'en possède la Terre, protégé par une épaisse croûte de glace d'épaisseur non connue. William Sparks du Space Telescope Science Institute et son équipe ont réussi à mettre en évidence ce qui ressemble fortement à des jets de vapeur en observant le limbe de Europe quand ce dernier passait devant le globe de Jupiter. Le but initial des chercheurs était de déterminer si Europe avait une fine atmosphère en utilisant une technique de spectroscopie d'absorption. Et ils se sont rendus compte que la méthode qu'ils utilisaient était tout à fait adaptée pour voir une éventuelle fuite de vapeur d'eau. Ils ont pu répéter leurs observations 10 fois en l'espace de 15 mois et ils ont vu une image changeante. De l'eau était visible dans 3 campagnes d'observation sur les 10. En 2012 déjà, toujours avec le télescope spatial Hubble, mais avec une technique différente, une équipe conduite par Lawrence Roth du Southwest Research Institute avait elle aussi mis en évidence la présence de geysers de vapeur d'eau émanant du pôle sud de l'Europe jusqu'à une altitude de 160 km. Les deux résultats semblent tout à fait cohérents entre eux. Que ce soit en termes de masse d'eau éjectée, l'altitude des geysers ainsi que la position géographique des sources identifiées. Le seul défaut, c'est de ne pas avoir utilisé les deux méthodes simultanément pour faire ces observations. Ce qui paraît sûr, c'est la grande variabilité du phénomène. Il pourrait ainsi y avoir de soudaines éruptions suivies de périodes très calmes. Par exemple, l'équipe de Roth a observé Europe seulement une semaine après que l'équipe de Sparks avait vu une éruption d'eau, mais sans rien détecter. Si cela se confirme, comme il semble que ce soit le cas, Europe sera le second satellite à montrer des geysers d'eau après Encelade, qui a été abondamment observé in situ autour de Saturne par la sonde Cassini depuis 2005. C'est plutôt de bon augure pour la future mission que la NASA prévoit de lancer en direction de Europe et qui devrait pouvoir, à l'image de Cassini, s'approcher au plus près de ces geysers pour en analyser la composition exacte et pourquoi pas y trouver des crevettes. Mais avant cette mission des années 2020, le James Webb Telescope pourra lui aussi très bientôt se pencher sur le pôle sud de l'Europe, cette fois-ci dans l'infrarouge, avec une tout autre vision. L'étude de William Sparks et ses collaborateurs est à paraître dans The Astrophysical Journal cette semaine. Et on retrouve cette information, bien évidemment, dans un communiqué de la NASA, dont je mets le lien en bas de ce billet, comme toujours. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers, l'univers de Europe se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur PodCloud, ainsi que sur iTunes et sur Stitcher. Allez, d'ici la prochaine, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !